C'est la chronique jeux vidéo avec notre ami René Cadieux du site internet game-focus.com, la référence des jeux vidéo. Salut René. Salut Danny, salut tout le monde. Ça va bien. René, on va Oui, ça va parler bien. d'abord des jeux de. On va parler d'NHL Oui. 2021 aujourd'hui qui est sorti. Donc, écoute, encore une fois, comme la NBA, on a décidé finalement de faire un jeu pareil. Pourquoi qu'on a décidé de faire un jeu? On n'a pas attendu le début de la saison. Ben, parce que dans le fond, ils ont déjà repoussé le jeu à cause de la COVID, qui avait pris du retard à cause de Ouais. ça, et ils ont décidé de sortir le jeu pareil, parce qu'ils ont des échéanciers, ils ont d'autres affaires, puis sûrement que là, ils vont travailler ces mises à jour, ils vont faire de même, puis éventuellement, sur le prochain jeu, ils vont s'attaquer avec les... Comme celui-là, il n'y a aucune optimisation pour la nouvelle génération qui va être en à partir du 10 novembre avec la série X. Mais, fait que celui-là, ils l'ont fait comme juste pour PS4, pour Xbox One. Oui, il va marcher si vous avez une nouvelle console, si vous les achetez, mais il n'y aura pas d'optimisation, ils ne seront pas plus beaux, ils ne seront pas plus. C'est peut-être un peu plus rapide parce que la machine va être plus rapide en partant, mais il n'y aura pas de grosses améliorations graphiques. Mais ça reste un jeu que tu peux le sortir à chaque année, il était prêt. Ils l'ont retardé parce qu'habituellement, ils sortent en début d'octobre, fin septembre. Pas le même que là, cette année, on a attendu jusqu'au 13 octobre pour l'avoir. Mais cette année, c'est ça, ils se sont concentrés à offrir un bon jeu pour les joueurs. Ils ont revampé le mode Beat Crew, ils ont acheté un mode. Le Hot Rush, le mode de carte, mais avec des défis, des points, que tu essaies de faire des points, pour ramasser tes cartes, tu vas ramasser, tu vas gagner des points en faisant des feintes, en faisant des mises en échec, en gagnant, en faisant un paquet de trucs. Ça va te donner, comment dire, plus de points, puis pour upgrader tes cartes, puis pouvoir être le meilleur. Fait que, tu sais, l'ajout de ce mode-là est vraiment le fun, ça donne un peu de nouveauté au mode Hockey Ultimate Team, là, avec aussi que tu ramasses les cartes pour créer ton équipe. Le mode Bia Pro, comme je te dis, a été refait, avec une histoire. Cette fois-là, on a des. Tu vas jouer, là, mettons, on va te poser des questions avant ta partie. On va faire des entrevues avec toi. Tu peux commencer à Coupe Mémorial, un coup t'es Ah choisi, oui, ou tu peux aller génial, c'est dans bon la ça. Ligue européenne. Fait que là, ils vont te poser des questions. On va jaser avec toi. Des fois, des coéquipiers vont te poser des questions. Puis ça va donner des points. Tu sais, l'année passée, on a une base de RPG. Cette année, on a encore pris ça, une base de jeu de rôle. Si on veut, avec des améliorations, c'est sûr que c'est limité. Ça reste un jeu de hockey. Mais tout dépendant de tes choix, tes actions. Tu vas avoir des points qui vont être distribués dans ton joueur, qui vont t'aider à développer certains aspects. Puis ton joueur va être plus un joueur d'équipe, plus un joueur tout seul, une superstar, des affaires de même. Toi, tu vas être servi en faisant répondre aux questions. Puis après, des fois, pendant un match, là, ça se peut que le coach t'interpelle, puis dit, hey, viens ici, et il va te jaser, il va dire, gars, là, on perd par deux, on a besoin que tu marques un but là, pour te remettre dans le Ah, match. c'est Puis bon, ça. fait que là, tes réponses sont assez basiques, là, oui, non, puis. Ça, où des fois, tu as des joueurs qui vont dire, hey, on va jouer au bowling, organiser un show de bowling, on pourrait aller jouer. Tu as le choix de dire non, jamais me reposer, oui, je vais y aller, ça va être bon pour l'équipe, puis je suis un gars d'équipe. Fait que, tu sais, le mode Bia Pro a été amélioré. C'est le fun à jouer à corps, malheureusement, tu peux pas jouer comme dans FIFA. Toute l'équipe, ça, c'est de quoi que j'ai hâte qu'ils mettent, qu'on peut jouer tous les joueurs en même temps, pas juste notre joueur, parce que les périodes sur le banc, ça me sort un peu. C'est sûr que c'est moins long, mais moi, ça me sort un peu personnellement du jeu. Mais, tu sais, on peut faire avec dans ce mode-là, il y a suffisamment de contenu sont pour nous améliorer, puis les temps, les périodes qu'on passe sur le match sont quand même simulées plus rapidement. Fait que, tu sais, c'est moins plate. Voilà. Au visuel, il y a beaucoup d'améliorations visuelles. Oui, tu sais, Est-ce des que les fois, des améliorations. commentateurs continuent leur amélioration? Est-ce que... Eux autres sont sensiblement pareil. Il y a quelques lignes de plus, il y a la musique différente, des amphithéâtres, mais tu sais, on va nous emmener avec une foule qui va réagir différemment, du monde Ah qui oui, bouge ok, un peu c'est bon plus. ça. Là, puis entre chaque mise au jeu, ben, tu vas être emmené, mettons, après un but, après une mise à jour, juste avant la mise au jeu. Ta caméra de joueur, mais la caméra que tu as pour le jeu est emmenée n'importe où dans les estrades. Fait que tu vois, des fois tu peux être en arrière du banc, des fois tu peux être à la place d'un joueur Ah, sur le banc, des fois tu peux être dans la foule. Oui. est-ce que c'est les nouvelles entraîneurs? Est-ce que c'est les vrais entraîneurs? Non? Non, encore là, les faces sont modifiées. Je sais pas pourquoi ils mettent jamais les vrais entraîneurs, mais Ouais. encore là, c'est ça. En fait, les joueurs se ressemblent beaucoup plus, les joueurs sont beaucoup plus OK. fidèles. Comme je te dis, il y a des améliorations au niveau de l'AI, des gardiens, ils sont plus alertes, ils ont plus réalisé sur plusieurs positions. Quand tu crées ton joueur, je pense que tu as une centaine, une soixantaine de positions pour ton gardien qui, tu sais, des fois, il tient son bâton plus à gauche, plus à droite, tout le problème, ça a un impact. Quand tu crées tes joueurs aussi, il y a un impact quand tu crées ton joueur. Le jeu en ligne, ben, c'est toujours aussi intéressant, c'est le fun, c'est sûr que les gars sont bons, puis ils auront le même, mais tu sais, le jeu est plus stable, il y a les one-on-one qui sont plus refaits. Le mode franchise, ben, ils ont les dates des échanges, les dates de limite des transactions ont un impact, il y a des améliorations à ce niveau-là, ils ont fait un paquet d'améliorations pour rendre le jeu intéressant. Oui, il se peut qu'on trouve quelques bugs en jouant, mais ça reste quand même un jeu vidéo. Là. Des fois, ça arrive, mais c'est rien qui va te faire suer. Puis ceux qui achètent une PS5 ou une Xbox One X, mais il n'y a pas d'amélioration. C'est plate pour eux autres. de faire ça, mais tu sais, NHL plafonnait depuis un petit bout. Ben Puis oui. on se demandait, ils vont s'y faire de quoi? Et puis celui-là, je te dirais, les 2 dernières années, je trouve que c'est l'un des meilleurs qui ont fait depuis un bout. Là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un NHL de cette trempe-là. Mais tu sais, il vaut la. Tu sais, habituellement, tu l'achetais pas parce que tu ne trouvais pas la peine. Cette année, il vaut la peine de faire le move puis d'aller l'acheter. C'est un bon ce qu'on nous a offert. Tout est intéressant. Puis, comme je te dis, le jeu est vraiment. Il y a vraiment un plus à comparer à l'année passée. Juste si ça n'est pour le mode BIA Pro, si tu aimes jouer ce mode-là, en partant juste ça vaut la peine. Puis sinon, toutes les diverses améliorations au niveau des joueurs, les fins qu'on prend, les tirs, les lancers, tout ça, c'est ramené plus réaliste. Puis, malheureusement, ils n'ont pas mis de mode COVID. Là. Ça a été drôle qu'ils mettent une option COVID avec la saison qui commence, je sais pas trop quand, ou tu joues tout Une bulle dans dans une 3-4 bulle, ouais. amphithéâtres, ouais, c'est ça. Mais yeah, on peut pas trop en Ouais. demander, là, mais ça reste quand même un jeu, vraiment une bonne itération cette année. C'est vraiment Dis-moi, est-ce qu'il y a, il y a juste... Pourquoi il n'y a pas la KHL, hein? Oui, tu l'as, mais pas pour jouer, pas dans le mode BR Pro. Il me semble que tu l'as. Moi, je me sais que Non. tu as des équipes russes, tu as des équipes suisses, tu as des équipes internationales, mais la KHL, peut-être qu'ils n'ont pas les lois. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas la KHL directe. Ouais. Je sais qu'il y a plusieurs équipes d'ailleurs, mais KHL, hein, c'est une bonne école. Ouais, mais je sais pas pourquoi il y a plusieurs ligues, il y a toutes les ligues, la France, l'Europe, il y a tout ça, mais Ouais, mais des fois, c'est les droits, la KHL, peut-être qu'elle demande. ouais. Si tu veux jouer dans ton jeu vidéo, donne-moi 10 millions, puis Ouais, c'est ça, ça, c'est. exactement, Des fois, c'est juste une niaiserie de même qui fait que le jeu n'est pas là, mais que le jeu ne l'a pas. Mais sinon, d'après moi, c'est vraiment ce qui tient. Ils ont des équipes européennes, ils ont des équipes. Ah ouais. Tant qu'à moi, il manquait les ligues féminines comme ils ont fait au basket, mais ça peut-être un jour. Puis, oui, tu as Puis la Ligue junior majeure, mais ce serait le fun de pouvoir faire une saison complète dans la Ligue junior majeure. aussi, il y a deux. Ça a l'air, apparemment, qu'il y a l'édition 1994 avec les vrais joueurs aussi. Oui, justement, elle sortait aujourd'hui, qu'on n'a pas eu le temps de la toucher encore. Là, elle sortait aujourd'hui, c'était un bonus de précommande. Mais tu as les joueurs actuels avec le mode 1994, avec le gameplay et Donc, tout l'équipe. il est pas dans le régulier, c'est ça? Il est pas dans le régulier? Ben, sûrement qu'elle va venir à vendre avec le temps, mais c'est un bonus de précommande. Celui qui précommandait le jeu l'avait à sortir aujourd'hui pour eux autres. Puis je présume qu'éventuellement, ils vont peut-être la mettre en option à vendre pour les autres. S'il y a moyen de faire un peu d'argent, ils vont sûrement le prendre. Mais pour l'instant, elle sortait le 30 octobre, soit aujourd'hui. Comme je te dis, elle est en train de télécharger chez nous. J'ai pas eu le temps encore de mettre les mains dessus. Donc, ça va être les joueurs d'aujourd'hui, mais la version 1994, c'est Ouais, ça? c'est ça. On avait eu une version, je me rappelle plus, c'est 2015-16 qui offrait un mode 94. Ben, ça c'était la version là revampée, mais avec les joueurs d'aujourd'hui, avec les alignements d'aujourd'hui, les Lafrenière et compagnie. Ah, c'est bon, ça. Ouais, c'est vraiment comme je te dirais, ça a l'air intéressant, mais comme tu dis, j'ai pas pu y toucher encore à ce mode-là, mais ça va être un des ajouts qui ceux qui l'avaient précommandé. Puis comme je te dis, d'après moi, éventuellement, ça va être sûrement achetable pour Ben quelques oui. dollars, ou peut-être qu'ils vont le donner éventuellement, mais. Donc, tu donnes combien à peu près? Un gros 8,5 sur 10. Comme je dis, on l'a bien aimé, sûr qu'on a OK. encore d'avoir des commentateurs français des jeux, des équipes Ouais. de la Légion majeure, mais tu sais, pouvoir discuter un petit aspect, un tournoi avec la Légion majeure, les petits détails de même, puis une histoire plus soutenue comme les jeux FIFA, mais ça reste quand même qu'on a un très bon produit entre les mains, puis on espère que l'année prochaine, ils vont continuer dans cette voie-là, puis qu'ils vont pas faire de quoi gâcher l'expérience. Effectivement. Un gros 8, c'est quand même une bonne note. 8,5, ouais. 8,5, c'est bon pareil, là. Ouais, même, ouais. Ouais, ça, c'est une très bonne note pour le jeu de hockey. Donc, René, on s'en reparle bientôt pour les consoles. Oui, parfait. Notre ami René Cadieux du site game-focus.com.